Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance, on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance est toujours là. Ça rime avec la chance. Chouette alors. Moi, je suis du Capricorne. Non. Oui. Ça, c'est bon à cause des cornes. Vous croyez? Moi, je m'appelle Péri. Ça rime avec Colline. Moi, je m'appelle Anthony. Ouh là là. Alors là, vous êtes de la vanille. Le petit coup de chance, c'est quelquefois la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera. Dans l'existence, on a parfois plus d'espérance, on a de joie. Mais quand on pense, ça s'arrangera. Le petit coup de chance, le petit coup de chance. Et toujours là.